à contresens, à l'unisson, à l'envers, à contre-courant, à l'endroit, à la renverse, à contre-cœur, à mi-ombre, à travers, à la limite, à saturation, à voix haute. À demi-mot,